Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, l'adaptation d'un célèbre dessin animé. Air, eau, terre, feu. Quatre nations intimement liées par le destin, jusqu'au jour où la nation du feu lance une terrible attaque vers les trois autres. Un siècle passe sans aucun signe d'espoir pour changer les choses et empêcher leur destruction. Mais un jour, Aang découvre qu'il est l'Avatar, le dernier maître capable de manipuler les quatre éléments. L'air, l'eau, la terre et le feu. Nos quatre nations vivaient en paix jusqu'à ce que la nation du feu attaque. La légende parle d'un élu capable de maîtriser tous les éléments et de rétablir l'équilibre dans notre monde. J'ai toujours su que tu reviendrais. Nos destins sont liés, Zuko. Tu ne t'échapperas pas! Nous avons déclenché une rébellion. Le dernier maître de l'air, un DVD Paramount.